visage idiot, c'est à 20 fleurs quand le ventre brûle de faim, qu'on croit en se laver le cœur, rien qu'en se lavant les mains. Qu'on a les yeux plus grands que le ventre, qu'on a les yeux plus grands que le cœur, qu'on a le cœur encore trop tendre, qu'on a les yeux encore pleins de fleurs. Mais qu'on sent bon les champs de luzerne, l'odeur des tambours mal battus, qu'on sent les clairons refroidis et les lits de petites vertus. Et qu'on s'endort toutes les nuits dans les casernes. L'âge idiot, c'est à 30 fleurs quand le ventre prend naissance, quand le ventre prend puissance, qu'il vous grignote le cœur. Quand les yeux se font plus lourds, quand les yeux marquent les heures, eux qui savent qu'à 30 fleurs commence le compte à rebours. Qu'on rejette les vieux dans leur caverne, qu'on offre à Dieu des bonnets d'âne, mais que le soir on s'allume des feux en frottant de cœurs de femmes, et qu'on regrette déjà un peu le temps des casernes. L'âge idiot, c'est 60 fleurs quand le ventre se balote, quand le ventre ventripote, qu'il vous a bouffé le cœur. Quand les yeux n'ont plus de larmes, quand les yeux tombent en neige, quand les yeux perdent leur piège, quand les yeux rendent les armes. Qu'on se ressent de ses amours, mais qu'on se sent des patiences pour des vieilles sur le retour, ou des trop jeunes en partance. Et qu'on se croit protégé par les casernes. L'âge d'or, c'est quand on meurt, qu'on se couche sous son ventre, qu'on se cache sous son ventre, les mains protégeant le cœur. Qu'on a les yeux enfin ouverts, mais qu'on ne se regarde plus, qu'on regarde la lumière et ses nuages pendus. L'âge d'or, c'est après l'enfer, c'est après l'âge d'argent, on redevient petit enfant dedans le ventre de la terre. L'âge d'or, c'est quand on dort dans sa dernière caserne.